Bon appétit en 2019. Ouais, je sais, normalement on souhaite la santé, le bonheur ou encore plein de bonnes choses pour la nouvelle année. Mais moi ce que je veux, c'est que vous gardiez votre curiosité gourmande. Tiens d'ailleurs, vous entendez ce qui passe derrière ? Eh bien je pense qu'on peut dire que c'est la chanson la plus diplomatique au monde. Alors oui, je commence janvier en collant une étiquette, mais je pourrais difficilement trouver un autre morceau capable de réunir des occidentaux bourrés, des scouts, des francs-maçons et surtout des asiatiques patriotes. Car si on mélange la force du souvenir et une mélodie passe-partout, on obtient la même, mais pas pareil. Attention, on est quasiment dans le prétexte. Je voulais soit commencer ou finir l'année en parlant de cette chanson parce que c'est un hymne du changement de calendrier, mais surtout je voulais parler des adaptations qui en ont été faites. Alors d'abord, parlons du titre. Auld Lang Syne nous vient de l'écossais et se traduit en Auld Long Since en anglais, qu'on peut franciser en Le Bon Vieux Temps ou Les Jours Passés. D'après le site spécialisé Electric Scotland, on trouverait trace de la chanson au XVIe siècle dans un poème anonyme, présent dans un manuscrit rassemblant des œuvres de poésie écossaise. Should all acquaintance be forgot, ou faut-il oublier ses amis, est la traduction du titre et la première strophe de Auld Lang Syne. C'est vraiment au XVIIIe siècle que la chanson va se faire connaître à travers le poète Robert Burns. On avait déjà parlé de Robert Burns lors de notre cavalcade sur Ghost Riders in the Sky et ses variantes. Et bien cette fois, Burns aurait retravaillé le vieux poème et ajouté quelques couplets. Alors que la Grande-Bretagne vient de s'unifier et que la culture écossaise disparaît peu à peu face à l'influence anglaise, Burns fait revivre l'idée de fraternité et des bons souvenirs d'autrefois. Faut-il oublier ses amis, qu'ils ne nous viennent jamais à l'esprit ? Faut-il oublier ses amis et le bon vieux temps ? Au nom du bon vieux temps, au nom du bon vieux temps mon cher, nous prendrons un verre de bonté au nom du bon vieux temps. Et tu te paieras sûrement une pinte mon cher, et je paierai la mienne et nous prendrons un verre de bonté au nom du bon vieux temps. Je ne vous détaille pas les 5 couplets suivants, mais vous avez l'idée. Le plus étonnant, vu la popularité de Auld Lang Syne aujourd'hui, c'est que ses paroles sont souvent méconnues, voire inconnues, y compris chez les anglo-saxons. Par contre, la musique, qui est très facilement reconnaissable, a une origine plus floue. Elle sonne typiquement comme une mélodie écossaise, par sa gamme qui repose sur 5 notes, et sa rythmique assez dansante, qui laisse penser que le tempo a été ralenti. Grâce au site d'archivage des mélodies, tunearc.org, j'ai pu consulter les partitions éditées depuis 1760 et voir l'évolution du thème. On peut pas donner d'auteur original, mais des influences diverses d'autres chansons, et même d'un opéra, et une certaine simplification. Vous vous doutez peut-être que je ne vais pas pouvoir vous offrir une version originale de Auld Lang Syne, mais cette interprétation bien typique de la garde royale écossaise, 100% cornemuse. Donc pourquoi Auld Lang Syne a eu un tel succès ? Peut-être parce qu'elle exprimait un romantisme nostalgique, qu'elle a inspiré les indépendantistes américains en pleine révolution contre des Anglais, et qu'elle est devenue un symbole d'amitié fraternelle. Malgré le temps qui passe, on n'oublie pas les potes. Pas étonnant donc qu'elle soit choisie pour exprimer la fin de l'année, en Écosse, puis dans le monde anglophone. Mais ce n'est pas non plus une musique très joyeuse, elle est teintée de mélancolie, d'un passé révolu, aussi beau soit-il. Je vous propose donc une version enregistrée proche de l'œuvre authentique, au moins en ce qui concerne les paroles. Mais ce qui m'a intéressé avec Auld Lang Syne, c'est sa capacité à se faire une place dans le monde entier, un peu comme It's a Small World à Disneyland. Au Danemark, on a eu ainsi une version assez proche du cadre écossais, des harmonies de voix claires sur des arpèges de guitare et de l'accordéon. Et ça a même inspiré un groupe de rock, Gasoline, pour sa ballade rock de 1974, Stackles Gin. Mais surtout, Auld Lang Syne a été très tôt accueilli en Extrême-Orient, et ça pour une raison purement musicale, le morceau repose sur une gamme pentatonique. Ça quoi. Et cette gamme, qui repose sur 5 notes par octave, s'adaptait aux gammes employées dans différents territoires asiatiques. Ainsi au Japon, Auld Lang Syne a été un des premiers morceaux occidentaux à faire son entrée dans la culture nationale, quand le pays s'est réouvert au monde à la fin du 19e siècle après plusieurs centaines d'années d'autarcie. Hotaru no Iraki, ou La lueur des lucioles, est une sorte de contrefaçon avec une histoire différente, celle d'un étudiant en quête de connaissances qui n'a parfois que la lumière d'une luciole pour s'éclairer pendant ses études. Alors on l'entend souvent lors des cérémonies de diplôme et plus largement pour exprimer la fin de la journée. On a aussi cette version bengali qu'on pourrait traduire par « souvenir des bons vieux jours » où on reconnaît l'enchaînement des notes mais la rythmique est clairement décalée, les accentuations ont changé et on a transformé un rythme binaire en rythme ternaire, un peu comme une valse. Chaque fois, on a une adaptation typique à la culture locale qui ne dénote pas du reste et devient même parfois un symbole national. Ainsi, en Thaïlande, on a une chanson patriotique sur le roi et l'unité du peuple. Et puis Auld Lang Syne est à la base d'une chanson qui est devenue l'hymne de la Corée de 1919 à 1948, soit quand les deux Corées étaient unifiées. C'est dire la force évocatrice de cette mélodie au-delà même des paroles. On retrouve cette gamme pentatonique dans la culture musicale de nombreuses ethnies et nations autour du monde, mais cette simple mélodie écossaise semble toucher une corde partout. Comme si nous étions tous d'accord sur le fait que tant qu'il y a du souvenir, il y a de l'espoir. Car après tout, ce n'est qu'à nous revoir.